British Connection. Pas le rock. Salut les amis, c'est Philippe, bienvenue dans British Connection, votre émission rock, et je vous souhaite une bonne année. Et oui, on va fêter la nouvelle année aujourd'hui dans British Connection. Je vous offre des CD et des t-shirts British Connection. Vous avez simplement à laisser vos coordonnées en message privé via la page Facebook de British Connection. Et aujourd'hui, je vous propose 30 minutes avec Blondie, 30 minutes avec Alain Bashung, 30 minutes avec Placebo et 30 minutes avec les Berruriers Noirs sans interruption. Bienvenue, on est ensemble pour 2 heures de rock. Connection? Just rock! Just rock! Thank you.

la nouvelle année, je vous offre par tirage au sort des t-shirts de l'émission et CD Rock. Laissez vos coordonnées en message privé sur la page Facebook de l'émission. British Connection. just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! British Connection, just rock, just rock. Tonight. On fête la nouvelle année dans British Connection avec aujourd'hui 30 minutes sans interruption, instant Blondie. Dans un instant, on va retrouver 30 minutes avec Alain Vincheloup, puis Placebo, puis Berlure Noire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pendant British Connection, je vous offre des CD rock surprise, le t-shirt British Connection en exclusivité. Il vous suffit simplement de laisser vos coordonnées en message privé via la page Facebook de British Connection. Il y aura un tirage au sort à la fin de cette nouvelle émission et vous serez un certain nombre et nombreux à gagner ces cadeaux. A tout de suite pour la deuxième partie de British Connection. 30 minutes non-stop, sans interruption, avec Anna Bachung. Cocaïne ? Non, la cocaïne, c'est pour les PD avec des cartes de crédit. Oh non, ça, c'est des amphétamines. La seule façon de se les envoyer, c'est sur un couteau de chasse. Je vous en prie un peu.